Et je veux revenir aussi à la... À l'entrevue qu'a accordée à Lagacé aussi, GMD, exactement, qui dit, garde, et je voulais surtout pas perdre mes petites tribunes puis mes belles petites rencontres avec Anne-Marie Dussault. Là, j'aurais été obligé de démissionner. Écoute, il parlait là, de Gabriel Nadeau-Dubois que, ben, en fait, il jasait d'une entrevue qu'il avait donnée à un autre poste de radio à Dutrisac, pour pas le nommer. Bon, oui. Et Dutrisac, il disait, hey, je viens d'entendre qu'il y a des militants qui, à Montréal, qui jettent des pavés sur des autos qui passent sur l'autoroute Ville-Marie. Les autres sont sur le pont, sur le viaduc, puis ils jettent des pavés en bas. Et dis-moi, je voulais dénoncer ça. Puis là, il y avait à Lagacé, au Franc-Tireur, là, il y avait la voix tremblotante, puis les yeux dans l'eau, puis tu sais, ma mère, elle s'en va là tous les jours pour aller travailler, parce que là, soudainement, parce que c'était sa mère, c'était dangereux. Ah, c'était grave. Là, c'est grave. Les autres, c'est pas bon, mais là, sa mère, elle, c'est grave. Ça là, Patrick Lagacé, ben, il n'y a pas rien que ta mère, il y en a d'autres aussi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ben, lui, c'est sa mère, tu sais. Ma mère passe là, ça aurait pu être dangereux pour maman. Ah. Et je voulais dénoncer ça, mais je pouvais pas. Ah. Parce que je comprenais pas que si moi, je dénonçais ça, sans avoir l'accord de ma base, je perdais ma job. Écoute, quelle petit être. Alors, quel le gars, égoïste, il ne voulait pas dénoncer des actes épouvantables comme lancer des pavés sur des autos qui se promènent dans les autoroutes. Il ne voulait pas dénoncer ça de peur de perdre sa petite job de porte-parole. Ça se peut-tu, ça? Petit... Quel être... ces gens-là détestent ce genre de comportement-là chez les capitalistes, ben chez oui, les néolibéraux. Mais ce genre de comportement-là, crasse, qu'on dénonce, il l'avait, lui. C'est-à-dire se protéger le cul, penser à lui avant les autres. Il dit, vous savez, tu sais, il dit, c'est ça la démocratie directe, c'est que moi, je suis un porte-parole et je ne peux rien dire. Il faut que je retourne chaque fois à ma base. Faux, mensonge, faux. Parce que quand c'était le temps de dénoncer la violence policière, il disait pas, attendez une minute, je peux pas me prononcer là-dessus, je vais retourner à ma base, je vais aller en Assemblée générale, je vais leur demander, est-ce qu'on dénonce la violence policière? Oui, OK, je retourne devant les médias, jamais. Tu demandais la violence policière, il a dénoncé tout de suite, puis s'en sacrait de pas avoir le sentiment de sa base. C'était quand devenait le temps, soudainement, de critiquer ses troupes, que là, soudainement, il disait, ben, vous savez, c'est la démocratie directe. Faux, c'est un menteur, c'était un menteur tout le long. Et de voir qu'il y a des journalistes réputés qui ont bavé devant ce gars-là, puis qui avalaient chacune de ses paroles. Des intellectuels, Richard, des intellectuels qui ont bavé devant ce gars-là. Ça n'a pas de sens. Écoute, as-tu besoin, toi, à un moment donné, d'avoir l'assentiment de tes troupes pour dire, hey, lancer des pavés sur des chars? J'ai pas besoin de consulter ma femme si mon petit se fait enlever au centre d'achat. Ah ouais. J'appellerai pas ma femme pour dire je le laisse-tu aller ou pas. Sacrifice. Quand t'es dans situation d'urgence, situation de dénonciation, où on demande, où ça exige l'intervention. Si ta gang est assez freak pour pas demander ça, là. Puis si ta gang est assez freak, t'as fait des pressions, t'as dit ben que oui, si tu vas parler. Ben, sac-moi ça là. C'est un no-brainer, ça. C'est un no-brainer, comme tu dis. Et moi, je reviens pas qu'on disait que ce gars-là, c'était de la graine de grand leader, que c'était l'espoir de la jeunesse. Ah, il va toujours avoir demain des jobs, mon Richard. Il va toujours avoir des jobs à CSN, puis fricoter à gauche par à droite. Attends-toi à voir ce gars-là d'impact pendant encore 25 ans. Mais c'est hallucinant de se cacher. Et le pleutre, le manque de courage de dire... moi, je me tentais, il disait à Patrick, moi, j'aurais voulu ça, dénoncer ça, mais ce que vous comprenez pas, c'est que je perdais ma job. Ben, perds-la, ta job. Mais parle à la tête haute. Et c'est ça, on l'aurait salué, Richard, puis oui, Jean-Claude, il disait la même affaire tantôt, on l'aurait salué. Ce gars-là aurait dit, en conférence de presse, mettons, ma gang veut pas que je dénonce, mais moi, je trouve ça inacceptable, oui, ce qui se passe. Savez-vous quoi? Oui. Je démissionne, moi, j'aurais salué. Il aurait gars-là été applaudi par oui, le Québec au Congrès. Oui. Exactement, puis si sa gang aurait pas voulu qu'il dénonce, ben ça vaut pas la peine de les représenter. Parce que c'est une ça gang de bozos, si eux autres veulent pas dénoncer des gestes criminels comme ça. Alors moi, moi je trouve qu'il s'est démasqué de façon incroyable et que ce gars-là, maintenant, il n'y a plus aucun... C'est pas sérieux. Ah, il n'est pas sérieux. Aucune crédibilité. Merci. Alors, je vous laisse sur une belle chanson de Pierre Laporte. Ah, salut! Hey, merci beaucoup. Très salut, bon cette semaine. Merci, Richard Bail. 11h28, ouais, la chanson de Pierre Lapointe, on va l'écouter en clôture d'émission. Et vous êtes dans Montréal Live. C'est au Franc-Tireur, il y a quand même quelques jours de ça, Gabriel Nadeau-Dubois qui vient pleurnicher, il n'a pas eu les couilles de démissionner au moment où ça brassait. Il raconte un peu ce qui se passe, on écoute. Moi, je me rappelle, il y a un événement une fois qui m'a complètement saisi. C'est durant le Salon du Plan Nord, où là, vraiment, la rue éclate de colère. Et là, j'ai une entrevue à Dutrisac. Et là, on se parle au téléphone. Et là, je le trouve... À son émission le midi. Oui, au téléphone. Et là, il me dit, on vient de m'apprendre qu'il y a des gens qui lancent des pavés, qui laissent tomber des pavés sur les voitures qui passent tunnel Ville-Marie. Okay. Et là, moi, je sais que ma mère prend ce tunnel-là à chaque jour pour aller travailler. Et plein d'autres mondes. Et plein d'autres mondes. Et là, je me dis, OK, wow, là, c'est pas bloquer la porte d'une banque. C'est, là, c'est s'attaquer littéralement à des gens. Et là, il me dit, est-ce que vous condamnez? Moi, je sais que si je le dis, comme je t'expliquais tantôt, je suis out. Puis à ce moment-là, je me rappelle d'avoir appelé mes collègues de l'exécutif, puis de m'être vidé le cœur en disant, là, tabarnak, je peux pas endosser ça, ça a aucun sens, s'attaquer au long, on s'attaque physiquement au monde, on renverse pas une poubelle, là. Et là, j'étais hors de moi, puis je me rappelle d'avoir dit, c'est pas vrai que mon visage, ma voix, puis mon nom vont être associés à ça. C'est pas vrai que je vais porter ça sur moi pendant combien d'années? Je veux dire, là, c'était comme... Là, c'était trop, tu sais. Ça a été un moment où vraiment, j'ai été... Je me rappelle, j'étais sur le bord des larmes, là. Même j'y repense, puis je suis super émotif, parce que c'était un moment où là, on avait atteint un niveau que moi, j'étais plus capable de supporter comme individu. Les grands individus se ressortent des grandes situations. Il a pas été un leader, il a été un couillon, ouais. Il a passé à côté de l'histoire. Il a pas dénoncé ça. Il a pas dénoncé, il aurait dû démissionner, il l'a pas fait. C'est pas vrai que ma face va être trop tard. Du moment où tu l'as dit live à radio et tu n'as pas dénoncé, trop tard. T'es collé là-dessus, mon ami, puis il est trop tard. Puis ta maman, elle passait là. Puis la maman de plein de milliers d'autres gens qui égoïste, passent là. C'est parce que c'est l'agacé qui les ramène. Il dit, hey, c'est parce qu'il y en a d'autres aussi. Là. Oh, oui, ah, c'est oui, vrai, il y en a oui, d'autres, c'est vrai, c'est vrai. Sacrifice. Hein? Des grands discours haineux, puis des grands discours au nous, là, de grandes révolutions, puis de faut brasser de la merde, puis faut... Faut faire le tour de ce qu'il dit sur Internet du gars-là. C'est pas un apôtre de la paix, là. Mais là, quand je touche à ma maman, là, c'est pas pareil. Non, mais le petit pleurnichage vers la fin. Juste faire le tour sur Internet de ce que ce gars-là a dit à propos de Laurent Proulx, à propos de d'autres. À propos de Laurent Proulx et de sa gang, à un moment donné, il avait dit quoi? Là, on va y brasser, je sais pas quoi. C'était des insultes. Mais il y avait de la violence verbale là-dedans. C'était la grosse limite de l'incitation à la violence. Oui. C'était pas ça, là, mais c'était dit dans d'autres mots. Des insultes, très certainement, en bonne quantité. Là. Mais après ça, le petit pleurnichage, ouais, ma mère passe là. Hey, man, la mère de tout le monde passe là. Et il y a pas juste cet incident-là. Tu dénonces ça. Lui, il parle de l'histoire du plan Nord. Là, c'était le salon où Jean Charest avait fait des blagues. Exact. Là. Mais avant ça, il y a eu des cas de violence. Excusez-moi, mais du vandalisme, c'est de la violence. Il y en a eu plein. Je m'excuse. Avant, et il a jamais dénoncé. Il n'était pas là. Là, il parle juste de cet incident-là où ça a brassé. Je m'excuse. À Victo, on était sur le bord de la guerre Victo, civile. Victo, c'est un bon exemple. Non, aucun autre de garde. Pas de dénonciation jamais. Là, il pleurnait. Je m'excuse. Des policiers blessés à Victo. Ah, mais c'est juste des polices. Non, c'était rendu le troc, la SQT dans le terre plein, bedding, badang, les boules de billard dans les vitres. Exact. La boucane à grandeur. Et lui, pas dénoncé. Jamais dénoncé rien. Lui, il s'en va voir l'agacé. Oh, mais là, je peux même pas dénoncer à perdre ma job. Hey, man! C'est là comment tout le monde s'en contre-sac que t'as perdu ta job. Lève-toi, dénonce, sac ton camp. Tu voulais pas que ton visage soit accolé à ça? Détache-toi de ça. Ça, c'est too late. Trop tard, là. Qu'est-ce que c'est ça, là, le pleurnichage? Oh, c'était bon, non. J'aimerais ça être que les gens m'excusent aujourd'hui, là, pis...